Juste une question quand même. Oui. Thibaut, qu'est-ce que tu fous avec cette cape? Ah, oui, c'est une très bonne question. Oui, parce que cette semaine, j'ai décidé de remettre ma vie en question. Je me suis dit, tiens, et si je me lançais dans la carrière de super-héros? Oui, avec la sortie du nouveau Marvel, ça m'a excité. Tous ces muscles, ces mecs dans leurs costumes moulants. Non, je ne suis pas gay. Alors, pour faire super-héros, déjà, faut un nom de super-héros. Hein. C'est très facile. Hein. Faut prendre un nom qui claque, tu vois, et tu rajoutes man derrière. Bon, par exemple, Frigo Man. Bon, bah, ça marche pas. Hein. Non, faut prendre Iron Man, Superman, Spider-Man, Goldman. Bon, tout cela viendront pas te sauver un samedi. C'est Shabbat. Vous allez me dire, c'est facile pour toi de trouver un nom, t'es déjà super con. Super marrant. Non, je me suis appelé Super Tib. Bon, le gars qui a confectionné le costume s'est planté et a écrit Super Tub. D'ailleurs, pour le costume, les super-héros ont toujours un slip moulant. Et moi, je peux te dire qu'il me faut du XXXS. Non, mais c'est juste que j'ai un tout petit cul. Ensuite, quel serait mon pouvoir? Comment sauver les gens? Eh ben, je me suis dit que je sauverais les gens avec des blagues de merde. Par exemple, une jeune fille se ferait agresser dans la rue, Super Tub se dresserait devant l'agresseur, et je ferais ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Oui, je serais aussi super chanteur. Gros budget, hein. Je dirais lâche-la, brigand. Oui, je serais aussi super ringard. Dis donc, espèce de bandit. Tu sais ce qui fait 999 fois tic et une fois toc? Un mille pattes avec une jambe de bois. Bon là, s'il la lâche toujours pas, je serais... Hey, tu sais comment on appelle le frère d'Albert Einstein? Franck, parce que Frankenstein. Oui, bon là, normalement, il la lâche. Hein, De toute façon, j'en ai des tonneaux, des comme ça. Hein. Puis la jeune fille se jetterait dans mes bras et me ferait... Merci Super Tub, tu as été dur avec lui. Attention quand même, me chauffe pas trop, hein, parce que sinon moi aussi, je vais te tisser une toile.